Je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Belle, tu me tues quand d'un air câlin, d'une voix menue, tu me fredonnes ce refrain. Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et les serments autour. Cœur à cœur, main dans la main, nous traversons la vie à grands pas de géant. Belle, ça n'est pas malin, quelques pas encore et nous aurons 100 ans. Belle, ça me tue de t'imaginer toute vieille et bossue, tant et tant à me marmonner. Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et les serments autour. Tu m'as dit très tendrement, je connais une femme, il était une fois. Ils eurent beaucoup d'enfants, nous en aurons 12, épouse-moi. Belle, tu me tues avec ces mots-là. Allez, va, je te salue, tiens, connais-tu ce refrain-là? Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et les serments autour. Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et les serments autour. Petit bonheur